À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Songun par le général Kim Jong-il, les conférences et séances de lecture ont eu lieu le 13 et 16 courants en Autriche et en Guinée. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs y ont exalté les exploits mortels de la direction de la révolution de Songun du général Kim Jong-il, qui a brisé les manœuvres de provocation de guerre des Américains et d'autres forces impérialistes pour défendre sûrement la souveraineté et la dignité du pays et la paix et la sécurité du monde.